Alors on y va. Pour rien vous cacher, j'ai eu énormément de plaisir à travailler ce message, même si au début j'étais plutôt perplexe. Je vais vite vous expliquer pourquoi. Donc vous savez tous, on est dans Marc, donc pour ceux qui atterrissent là, Marc, d'accord? On est dans l'évangile de Marc. Et puis alors on est arrivé au chapitre 6. Et alors moi la section qui me revenait, c'est 6, 1 à 8, 26, et je vais déraper un petit peu gentiment, un petit peu après 8, 26, sur ce que Stéphane va faire dimanche prochain. Mais très très brièvement, je vais faire une incursion en territoire ami. Alors, j'ai d'abord eu quelques soucis, simplement parce que il y avait des passages dans mon passage qui étaient un peu bizarroïdement placés. Et comme je me rends compte que Marc a réfléchi la chose, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et que tout format tout bien pensé, il a pas mis au hasard des événements ici et là juste pour remplir son texte. Mais pourquoi il a mis ça ici? J'étais gêné par la présentation d'Hérode. Il y a une longue présentation pour ceux qui ont lu le texte sur Hérode. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle d'Hérode ici? On n'en a pas besoin. Et puis il y avait aussi donc deux miracles identiques, les deux miracles sur la multiplication des pains. Et puis entre les deux, comme on l'a vu, cette altercation avec les pharisiens. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il... Enfin, bon. Et puis j'ai commencé à lire et à relire et à relire et à relire. Et puis les choses se mettent. Ah ouais! Donc je vais vous en parler. Pour faire les choses simples, il y a trois sections. J'aime bien les mettre avec trois sections. Les trois sections se sont présentées presque automatiquement. Un, qui est cet homme? Première section, c'est la plus grande. Ça va me prendre facilement 20 minutes là-dessus. Qui est cet homme? Deux, quel est le problème? Et trois, s'il y a un problème, il y a une solution. Où est la solution? D'accord? Donc c'est très simple. Qui est cet homme? Quel est le problème? Où est la solution? Alors, au centre de ce passage, et pour ceux qui l'ont lu, ça doit être évident, il y a ces deux multiplications des pains. C'est vraiment le cœur de ce passage. Et ces deux multiplications des pains sont suivies toutes deux de deux balades en bateau. C'est marrant, hein? Donc les deux ont une balade en bateau qui suit. Et alors, on va commencer notre voyage aujourd'hui avec la première multiplication des pains. Donc, Marc, chapitre 6. Et nous, la multiplication des pains commence au 32. Alors, le contexte, c'est quoi? Comme on l'a vu avec les enfants, c'est une grande foule. Le texte dit beaucoup d'allants et de venants, dans le verset 31. Même pas le temps de manger, dit le texte. C'est intéressant. Même pas le temps de manger. Il y avait tellement de monde, tellement d'activités. Alors, Jésus propose aux disciples qui viennent de rentrer de leur campagne d'évangélisation, donc de prendre un peu de congé, bien mérité. On prend un peu de vacances. Donc, il dit, verset 30, 31, 32, donc, ils partirent donc, verset 32, dans la barque, pour aller à l'écart dans un lieu désert. Voilà, on prend un peu de temps pour nous, on va se ressourcer, parce qu'il y avait trop grande foule en permanence. Et alors, vous connaissez l'histoire? Ils sortent de la barque à l'arrivée, et devant eux, une énorme foule. Et alors, c'est surprenant comment le texte décrit la réaction de Jésus. Quand il sortit de la barque, Jésus vit la grande foule. Les disciples sûrement ont dit, comme ici, zut, c'est raté pour des vacances peinardes. Et Jésus dit, il est d'abord ému de compassion, verset 34, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, la réaction de Jésus, c'est la compassion. Et ça, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a surpris, ça m'a aussi bouleversé intérieurement, parce que j'ai du mal. Quand ma vie est remplie de allants et de venants, et ça m'arrive assez fréquemment d'avoir beaucoup de allants et de venants, tu dis, oh, un peu de repos, un peu de repos. Tu rentres dans ton hamac, et puis brusquement une foule arrive, tu dis, oh, compassion. C'est pas comme ça. Et Jésus, compassion. En tout temps, compassion. Même devant la foule, même quand. Alors, tu dirais, bon, alors Jésus, il a vu la foule, il dit, ok, allez, rapidement. Un petit speech, un petit miracle, et je vous laisse partir. Même pas. Le texte, il dit, et il se mit, verset donc 34, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il est reparti pour des longues prédications, beaucoup de choses. Et puis le texte poursuit, il a tellement raconté beaucoup de choses qu'il se fit tard. Donc toute la journée est passée, Jésus enseigne, il se fit tard. D'accord? Le texte dit qu'il y a cette multiplication des pains, on va y revenir, donc il va nourrir cette grande foule. Après, donc, cette multiplication des pains, ce grand miracle où Jésus va donc, on l'a déjà décrit ici pour les enfants, prendre ses 5 pains et 2 poissons, prier, les distribuer, tout le monde est nourri, rassasié, les gens rentrent chez eux, et puis, le texte dit, verset 45, aussitôt après, il obligea, c'est intéressant, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Alors le texte est bien obligé. Matthieu dit le même terme, hein, obligé, contraindre, forcer. C'est vraiment ce que le texte dit. Il force, vas-y, vas-y, je m'en occupe de la foule, montez dans la barque et traversez de l'autre côté. Ils rentrent dans la barque, vous connaissez l'histoire, un grand vent. Le texte dit ils avaient du mal à ramer, le vent était contraire, il y avait un grand vent. Et puis, vers 6h du matin, la nuit, Jésus va à leur rencontre en marchant sur les eaux. Vous connaissez l'histoire, les disciples voient Jésus arriver, en tout cas ils voient quelqu'un arriver qui marche sur l'eau, panique à bord, c'est vraiment la panique à bord, ils crient, un fantôme, c'est marqué dans le texte. Jésus leur dit, pas de panique les amis, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils rentrent dans le bateau, pouf, plus de vent, plus rien. Et là, réaction des disciples, verset 51, ils furent stupéfaits et remplis d'étonnement. Stupéfaits et remplis d'étonnement. Et là, Marc fait un commentaire. Et là, ce commentaire m'a interpellé, bien sûr, je me suis arrêté, je me suis dit, de quoi il parle ici? Un commentaire au verset 52. Pourquoi est-ce qu'ils étaient stupéfaits et remplis d'étonnement? Marc dit, parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Alors, je m'attends. Quel lien? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris? Qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre qui aurait fait qu'ils ne seraient pas stupéfaits et remplis d'étonnement? Que devaient-ils comprendre dans ce miracle? Et alors, quand on lit ces 3 chapitres, pour ceux qui l'ont lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous avez peut-être remarqué que dans ces 3 chapitres, Jésus, Marc ou Jésus par Marc, semble particulièrement préoccupé à s'assurer que les gens comprennent quelque chose. Comprennent. Regardez, verset 52, 6, 52. Donc là, on vient de le lire. Marc dit, ils n'avaient pas compris le miracle. Ensuite, Jésus, un peu plus loin, chapitre 7, explique à la foule les erreurs des scribes et des pharisiens. Et au verset 14 de 7, il dit, écoutez-moi tous et comprenez bien. Écoutez, comprenez bien, d'accord? Ensuite, il y a une deuxième multiplication des pains au chapitre 8. Et les disciples sont encore une fois dans la barque et ils ont peur d'avoir oublié du pain. Et Jésus dit quoi? Verset 17. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Plus loin, Jésus leur rappelle les chiffres des 2 multiplications. Il dit combien il y avait 2, combien il y avait 2, combien il restait, machin. Et il termine en disant quoi? Verset 21, 8-21. Ne comprenez-vous pas? C'est surprenant. Il répète et il répète. Mais alors, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Au cœur du récit de Marc, vous le savez depuis le début maintenant, on le répète, on le répète, on le répète. Au cœur du récit de Marc, il y a une personne. Évidemment, cette personne, c'est Jésus. Mais la question, c'est qui est Jésus? Et c'est vraiment ce que Marc essaye de démontrer par son récit. Qui est Jésus? Les lecteurs qui allaient recevoir le texte de Marc sont des gens un peu comme vous et comme moi. Ils n'avaient certainement pas vu Jésus. Ils avaient sûrement entendu parler de Jésus. C'était 30 ans après sa mort déjà. Et Jésus devait leur dire, mais voilà qui était Jésus. Et alors j'aimerais qu'on fasse un survol rapide. Et recommencer au chapitre 1, et très rapidement je vais vous montrer comment constamment Marc va sans arrêt pointer du doigt vers Jésus. Jésus était, Jésus était, Jésus était, c'était lui qui était. Regardez rapidement, on fait le tour. Marc 1, verset 1, c'est évident. Marc commence en disant, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Crache pas la couleur, hein. Commencement de fils de Dieu, le voilà. Ensuite, Jean-Baptiste, il prêchait et il disait, viens, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Ensuite, ça c'est au verset 7. Ensuite, le verset 11, une voix se fait entendre du ciel. Dieu donne son avis sur Jésus et dit quoi? Voici mon fils bien-aimé. Ah, c'est clair. Dieu donne le témoignage de qui est Jésus. Ensuite, les démons parlent de qui Jésus était. Regardez au verset 24 du premier chapitre. Les démons parlent et ils disent, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Tu es le fils de Dieu. Ah, les démons crient à tout le monde. Ça, c'est le fils de Dieu. De sorte que, un peu plus loin, même chapitre, verset 34, c'est marqué, Jésus ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Ils savaient qui il était. Chapitre 2. Là, on a vu ça avec Stéphane. Les scribes disent, en voyant Jésus, mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus dit, ben c'est justement pour ça, regardez, pour vous prouver, c'est le chapitre 2, verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. En disant ça, ça veut dire quoi? Je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, parce que je peux pardonner les péchés sur la terre. Et puis, je vais le prouver, je vais guérir cet homme. Chapitre 3, verset 11. Encore une fois, les démons parlent de qui est Jésus. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, ils faisaient quoi? Lisez bien le texte. Ils se prosternaient devant lui. Ils savent qui il est. Ils se prosternent devant lui et disent quoi? Ils s'écriaient, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. La vache, quel témoignage! Les démons. Je continue, chapitre 4. La grande tempête de dimanche passé. Les disciples ont une peur terrible. Jésus calme la tempête, rentre dans la barque, comme aujourd'hui. Il leur dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et le texte dit au 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et se dirent les uns aux autres, mais Peter, c'est qui ce gars-là? C'est qui? La même question, mais c'est qui? Et trois paragraphes avant, vous savez, les démons qui se prosternent devant Jésus et qui disent « C'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu !» Ils n'avaient pas compris. Donc 4:41, on passe au chapitre 5. Après la tempête, le bateau accoste dans ce fameux pays des Gadaréniens. Et il tombe nez à nez, encore une fois, comme Nicolas nous l'avait rappelé, avec cet homme possédé. Dans le bateau, les disciples disent, c'est qui cet homme? L'homme possédé court vers Jésus. Regardez, verset 6 du chapitre 5. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et fait quoi? Il se prosterne devant Jésus. Et s'écria d'une voix forte, tout le monde pouvait l'entendre. Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus? Quoi? Fils du Dieu très haut! Ça pouvait pas être plus clair que ça. Chapitre 6, on continue. Marc a un agenda bien précis. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut nous montrer, il sait ce qu'il veut dire à ses lecteurs. Chapitre 6. Jésus, et ça c'est le début donc de notre passage pour aujourd'hui, il rentre au pays, à Nazareth. Dans sa patrie, dans son village, là où il a grandi, là où il a jeté des cailloux dans la rivière. Et puis là, il rentre dans la synagogue et commence à parler. Et qu'est-ce qui se passe? La même réaction. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, mais d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui était donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon. Et ses sœurs, ne sont-elles pas parmi nous? On le connaît, le gars! Ses cousins sont partout, regardez-le, on sait qui. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Le même problème, mais là aussi à Nazareth. Mais qui est ce gars-là? Ben nous, on sait, c'est le charpentier. Et puis, suit cette histoire qui. Donc les douze ensuite sont, ainsi d'interlude, envoyés en mission. Et puis l'histoire continue avec le verset 14, avec l'histoire d'Hérode qui m'a embêté. Mais dans ce contexte, de chapitre après chapitre dans Marc, de recherche de savoir qui est Jésus, c'est parfaitement logique pour Marc d'avoir mis ça ici. Lisez ça dans ce contexte, c'est marqué. Donc, le roi Hérode, verset 14, entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et quoi? Il se fait son opinion. Rien n'est placé au hasard par Marc, hein, rien. Et Hérode dit, qui est Jésus? Qui est Jésus? Et on connaît l'histoire, on ne va pas la traverser, mais il avait fait assassiner Jean-Baptiste, et il avait quelque part seulement sa mémoire qui le tourmentait, et voilà. Hérode répond à la question « Qui est Jésus ?» comment? En disant « C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste que j'ai tué, qui est revenu à la vie, et c'est pour ça que maintenant, Jean-Baptiste peut faire tous ces miracles. » Voilà. L'explication d'Hérode, c'est « Jésus, je sais qui c'est. C'est Jean-Baptiste, celui que j'ai fait tuer. » Et puis, Marc d'ajouter, Hérode n'était pas le seul à chercher à savoir qui est Jésus. Verset 15, lisez, hein. D'autres avaient posé la même question. C'était posé la même question. Mais qui est Jésus? Et certains avaient répondu, verset 15, « Oh, moi je sais qui c'est Élie. » Et puis d'autres avaient dit, « Mais c'est un prophète. » Tout le monde avait trouvé sa façon d'expliquer, « Mais qui est Jésus? » S'ensuit l'histoire de la multiplication des pains. Et donc, on arrive, pour moi, ce que je trouve, j'estime être le cœur de ce passage, la multiplication des pains. Ce passage où Marc dit il y avait 5000 hommes, donc comme je disais aux enfants tout à l'heure, minimum 10 000 personnes, peut-être 15 000, 20 000, je ne sais pas, hein. En tout cas une grande, grande foule, une foule de gens qui sont affamés, et le texte dit qui se trouve dans un lieu désert, verset 35. Au chapitre 8, il y a une deuxième multiplication, même contexte, une grande foule, là on parle de 4000 hommes, même contexte, Marc dit c'était dans un désert, même contexte, c'était une foule de gens qui étaient affamés. Les deux multiplications sont très parallèles, très semblables. Jésus prend ce qu'on lui donne, les 5 pains, les 2 poissons, et Marc dit, verset 41, il prit 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prit. Imaginez la foule, Jésus ne fait rien discrètement, comme on pourrait parfois faire à table dans un restaurant, amen. Dans tout le monde, là, il prend le pain, il voit la foule, il prend le pain, lève les yeux, Père éternel, je t'en prie, nourris cette foule avec ce pain et ces poissons. Les 20 000 personnes se mettent, s'assoient autour de la table et commencent à manger le pain et les poissons. Et le texte dit quoi? Verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. C'est ce que le texte dit, hein, rassasiés. Ils mangèrent à leur faim. Et à la fin, pire que ça, il restait 12 paniers remplis avec toutes les restes. C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est quoi? Un feu d'artifice? Oh, c'est bon, wow, bravo, bien joué. C'est quoi? Pourquoi raconter cette histoire ici? Est-ce que c'est un tour de passe-passe? Il a fait quelque chose pour épater le peuple d'Israël? Pourquoi Jésus a-t-il senti le besoin de nourrir ces 20 000 personnes? Marc sait très bien que ce n'est pas pour épater la galerie que Jésus a fait cela, bien sûr. Il poursuit son récit avec l'histoire de Jésus dans la barque sur la mer avec le vent fort. Le texte dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de mal à ramer parce que le vent était contraire. Dans Jean, c'est même marqué, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Jésus marche sur la mer, fantôme, les disciples ont peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Jésus rentre dans la barque, pouf, le calme s'installe. Les disciples sont stupéfaits, remplis d'étonnement. Et Marc commente, ben oui, c'est normal, ils n'avaient pas compris le miracle d'avant. Qu'est-ce qu'ils devaient comprendre? Qu'est-ce qu'ils devaient comprendre? Rappelez-vous tout Marc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rappelez-vous tout ça. Et faites avec moi un petit saut en arrière de 2000 ans. Il y a dans la Bible, vous le savez, et dans Marc en particulier, sans arrêt des liens entre le nouveau et l'ancien. La Bible est comme ça, c'est lié. On ne peut pas prendre des textes indépendamment du reste. Tout est regroupé. On fait un saut 2000 ans en arrière. Et on retrouve un grand rassemblement humain, donc une grande foule. On retrouve des gens affamés. On retrouve un désert. Hein? On retrouve du pain et de la viande. On est où là? Ouais, on est là. Si vous trouvez Exode 16, cherchez Exode 16 dans vos Bibles. Un parallèle parfait. Dieu n'a rien fait par hasard et Marc ne se trompe pas en nous redonnant ce texte ici. Le peuple d'Israël, Marc 16, vient de passer 400 années dans le pays d'Égypte. Ils sont délivrés d'une manière miraculeuse. Ils se retrouvent à traverser le désert. Et ils commencent à gémir et à râler parce qu'ils ont faim et qu'ils regrettent ce qu'ils ont laissé derrière. Et Dieu intervient miraculeusement et leur envoie du pain, de la manne, de la viande, c'est des cailles, et ils mangent, et ils mangent, et ils mangent. Regardez, verset 12. J'ai entendu, dit Dieu, les murmures des enfants d'Israël, et dis-leur. Donc il parle à Moïse. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez. Même terme. Vous vous rassasirez de pain. Et vous saurez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Marc 6, 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. Regardez verset 6 de Exode 16. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Israël, du pays d'Égypte. Ce soir vous comprendrez. Vous voyez tout le lien? Dans la barque, ils ont peur, ils sont stupéfaits, et Marc dit, ah oui, ils n'avaient pas compris. Et Jésus qui dit, mais vous n'avez pas compris, vous êtes sûr dans la tête encore? Et là, 2000 ans avant, Moïse et Aaron qui dit à Israël, ce soir, vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? La manne? La distribution du pain? Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains, dit Marc. Je fais un petit saut, une petite incursion rapidement dans le texte de Stéphane dimanche prochain, au chapitre 9, tu en parleras. Là, j'imagine, c'est moi qui fantasme, hein, mais c'est moi qui imagine Jésus sur la montagne. Vous vous rappelez la transfiguration? Et là, Jésus, pendant quelques instants, il parle avec Moïse et avec Élie, hein, c'est ce que le texte dit, avec Moïse et avec Élie. Imaginez, c'est quelques instants après la multiplication des pains, dans le désert, des gens rassasiés, qui s'en vont chez eux. Et Moïse qui dit à Jésus, alors pour toi, ils ont compris? Et Jésus lui dit, ben non, ils n'ont pas compris non plus. Ah ouais, je m'en doutais. C'est ça? Il a essayé, réessayé, puis Jésus l'a relevé quelques jours après. Toujours pas compris. Je ferme la parenthèse. Pourquoi Jésus a-t-il nourri ces 20 000 personnes? Pourquoi? Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas la popularité que Jésus recherchait en nourrissant ces personnes. Ceci devait être une image forte dans la tête des gens pour leur rappeler ce qu'ils savaient déjà, ce qu'ils avaient entendu à la synagogue pendant des années et des années. Jésus qui parle à son Père, il dit, Éternel, je te prie, nourris ce peuple avec tes quelques pains. Et les gens regardent et ils voient, waouh, on a tous mangé. Mais c'est pas possible. À la synagogue, Exode, chapitre 16, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça devait tilter, ça n'a pas tilté. Jésus, Dieu, il y a un lien, oui, il y a un lien, même force, même puissance. Le message, c'était que vous avez devant vous Dieu qui foule la terre, qui marche parmi les hommes. C'est Dieu. Qui est Jésus? C'est qui cet homme? Le charpentier? Non! C'est Dieu. Regardez, il vous a nourri. Comme il a nourri vos pères dans le désert. Pareil, vous êtes dans le désert. Ah, j'étais dans le désert aussi. Vous êtes rassasiés. Ils étaient rassasiés aussi. Ils n'ont pas compris. Et puis, chapitre 8, on regarde rapidement, mais c'est la même situation. Et Jésus va essayer de pousser un petit peu. Même situation. Deuxième distribution des pains, multiplication des pains. Rien à manger, un désert. Il mange, il fut rassasié, il se retrouve dans la barque. Même chose. Jésus semble les tester. Mais alors, est-ce que vous allez saisir? Est-ce que vous allez ouvrir vos yeux? Vous allez comprendre? Regardez chapitre 8, verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain que Jésus va nous rouspéter, hein. Verset 17. Jésus, le sachant, leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Verset 18. Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Vous n'avez point de mémoire. J'ai presque envie de penser que j'ai dit, mais alors, t'as pas lu ta Torah récemment, tu te rappelles pas? Le désert, le pain, la manne, je vous ai nourri, c'était moi. Verset 19. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté? 12, répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté? 7, répondit-il. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? 8 chapitres plus loin, dans le récit de Marc, les gens n'ont toujours pas saisi qui est cet homme. Marc nous a annoncé la couleur dès le départ, hein, au verset 1 du chapitre 1. Voici l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et puis ensuite, dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans arrêt, qui est cet homme? Jean-Baptiste, Élie, un prophète, un homme bien, un sage. Qui est cet homme pour toi aujourd'hui? Qui est cet homme? Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Quand tu lis les paroles de ce livre, ce sont les paroles de qui? D'un homme sage? D'un maître à penser? Je lis ma feuille de calendrier et j'ai ma pensée positive pour la journée. Je suis relevé. Est-ce que les paroles que tu trouves dans ce livre sont vraiment les paroles de Dieu? De Dieu? Ou simplement une béquille dans la douleur? Est-ce que Jésus est devenu pour nous parfois juste celui qui nous fait passer le fleuve de la mort? C'est tout? Est-ce que Jésus c'est Élie? Un prophète? Jean-Baptiste? Est-ce que tu sais vraiment qui est Jésus? C'est ce que Marc semble vouloir nous démontrer dans son évangile. Qui est Jésus? Il interpelle sans arrêt son lecteur et dit, regarde, regarde qui est Jésus. Les miracles de Jésus, ben voilà, pas étonnant. Jésus pardonne les péchés, ben pas étonnant, c'est Dieu. Regarde Jésus. Et c'est là que je vais mordre un petit peu. Sur dimanche prochain. Parce que dans la suite de ce chapitre 8, nous, on s'est arrêté pour moi au verset 26. Mais je ne peux pas m'empêcher d'aller au moins 2-3 versets plus loin. C'est logique. Regardez. Verset 27, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée-Philippe et il leur posa En chemin, une question. Laquelle? Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qu'est-ce qu'on dit que je suis? Même question. Et puis, je ne m'arrête pas trop longtemps sur ce passage, mais il va un peu plus loin, un peu plus profond. Et après, il dit quoi? Verset 29. Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Réponse de Pierre. Tu es le Christ. Waouh! Il a compris! C'est juste ouvert! Et ce qui est surprenant, c'est que, à partir de là, et dans le reste de l'évangile de Marc, Jésus va commencer à parler de sa mort et de sa résurrection. Seulement là. Verset 31, juste après. Alors, le texte dit, alors, il commença à leur apprendre que le Fils de l'homme, que Dieu allait mourir. Jusqu'à présent, il veut lui mettre, c'est qui ce gars? C'est qui? Et quand il dit, enfin, c'est Dieu! Wow! C'est le Messie! Il dit, voilà, enfin, juste alors, ça fait longtemps que j'essaie de... Ben maintenant, je vais vous annoncer que Jésus, moi, le Messie, je vais mourir. Et puis au verset 31 du chapitre 8, au verset 31 du chapitre 9, au verset 33 du chapitre 10, à chaque fois, Jésus répète, et le Fils de l'homme sera livré, il va mourir, et le Fils de l'homme sera livré, il va souffrir, et le Fils de l'homme va... Ça, il répète. Quand ils ont compris que Jésus était Dieu, il leur parle de son programme, mourir pour les hommes. Alors, je reviens à la question de Jésus à Pierre. Qui dites-vous que je suis? Je pense que c'est la question qui compte dans ta vie, dans ma vie. Ce n'est pas dans quelle église tu vas, quel système théologique tu as adopté pour ta vie, mais bien qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Ta destinée dépend de ta réponse à cette question. Et il y a une seule réponse qui soit juste. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur. Voilà qui est Jésus. Et pas juste maître du monde, Seigneur de ma vie. Si je crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, Seigneur de ma vie, alors il y a une seule réponse qui soit adéquate et appropriée. Et c'est laquelle? L'adoration. La soumission. Les démons étaient les premiers à l'avoir compris. Une seule réponse adéquate. L'adoration. La soumission. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur, c'est l'autorité. Et ce n'est pas juste le respect. Ce n'est pas juste une source d'inspiration. Ce n'est pas juste devenir un bon citoyen. Avoir un bon témoignage, avoir une bonne moralité, non, c'est soumission à son autorité. Tu es le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu qui marche sur la terre, c'est ça l'évangile que Marc présente. Dieu le Créateur a marché sur la terre, est-ce qu'on peut imaginer ça? Beaucoup ne l'ont pas reconnu, en tout cas pas reconnu comme tel. Il annonçait la bonne nouvelle de Dieu avec autorité. Ce n'était pas un petit bonhomme efféminé qui essayait de faire son travail sur la terre. Non, pas du tout. Il ne disait pas, si vous voulez la paix intérieure, vous pouvez voter Jésus. Ça vous apportera un petit quelque chose de plus. Non, ce n'est pas du tout le message de Jésus. Le message de Jésus est très fort. Et dimanche prochain, vous le verrez aussi dans la suite du chapitre. Si tu reconnais Jésus comme Seigneur, voilà ce que dit Jésus. Écoutez-le. Écoutez le Fils de Dieu, le Seigneur, parler. Si quelqu'un, je le dis dans Marc 8, 34, si quelqu'un veut me suivre, qu'il ne s'occupe pas de lui, qu'il cesse de penser à soi-même, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il suive mes pas. Waouh ! C'est pas un Jésus efféminé, ça. Et il poursuit. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra la vie véritable. Si un homme gagnait le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Dans un monde imbibé de psychologie humaine, comment résonnent ces paroles de Jésus, Fils de Dieu, à tes oreilles? Combien d'autorité elles ont vraiment? Un autre exemple, Jésus parle souvent de trésors dans le ciel, vous le savez. Est-ce que tu le prends au sérieux? Est-ce qu'il a de l'autorité? Marc rapporte au chapitre 10, on le verra donc dans 3 semaines environ, les paroles de Jésus à cet homme qui voulait la vie éternelle. Et Marc le dit que Jésus a répondu, « Va, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor. » Ou Sommer dit un capital dans le ciel. Est-ce que tu crois que Jésus, Fils de Dieu, Seigneur, savait de quoi il parlait? Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci pour t'accumuler un capital, un trésor dans le ciel? Tu prends ces paroles au sérieux? Matthieu reprend cette même pensée de Jésus, Matthieu 6. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, c'est verset 19 à 21. À la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous, donc un ordre de Jésus à nous, ses disciples, amassez-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dans une société où amasser un pactole pour sa retraite est signe de santé mentale, de sagesse, de bonne prévoyance, c'est dur d'écouter ce genre de message et de dire « Maître, Seigneur, Fils de Dieu, soumission ». C'est dur. Toutes les pages de ce livre sont remplies de paroles qui vont à l'encontre de la pensée de notre société, de la pensée du monde. Et toi et moi, quand on ouvre ces pages, qu'est-ce qu'on y lit? Est-ce qu'on lit des paroles d'autorité? Est-ce qu'on lit paroles de Dieu? Paroles de Jésus, Fils de Dieu? Ou est-ce que tu lis simplement un mot de sympathie pour te soutenir dans la journée? C'était la première partie. Donc Jésus est présenté par Marc très clairement comme Jésus, Fils de Dieu, Seigneur. Maintenant, pourquoi les gens ont-ils tant de mal à comprendre, ce terme qui revient sans arrêt, comprendre et accepter que Jésus est ce qu'il dit être? Donc, deuxième partie, quel est le problème? Je répète, Marc n'a rien écrit au hasard. Et quand j'ai lu mon passage, j'étais aussi embêté, comme je vous l'ai dit, par ce passage sur les pharisiens et les scribes. On les revoit sans arrêt partout à droite. Alors, pourquoi il a encore placé ça ici, Marc? Donc, ils sont coincés, là, entre les deux multiplications des pains. Il y a cette altercation avec les pharisiens et les scribes sur un problème de... Je vous le donne en mille. Un problème de soumission. D'autorité. C'est exactement ça. Ce n'est pas du hasard, Marc, mais ces morceaux du puzzle là où il les veut pour aller là où il veut aller. L'histoire commence au verset 1 par un sujet vraiment banal. Se laver ou ne pas se laver les mains avant le repas. C'est vraiment banal. Et Marc explique verset 2-3 à son lectorat, qui n'est sûrement pas habitué aux coutumes des pharisiens, voilà pourquoi, parce qu'ils avaient l'habitude de blablabla, se laver les mains. Mais alors voilà, il y a une réprimande sérieuse de Jésus qui répond aux pharisiens. Et Jésus n'y va pas par 4 chemins. On pourrait dire en français courant, il leur rentre dans l'art. Les pharisiens, ils disent, pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens et qu'ils mangent avec des mains sales? Jésus répond, espèce d'hypocrite, voilà ce qu'il leur dit, espèce d'hypocrite, Ésaïe a parlé de vous en ces termes. Je lis les versets 6 et 7 du chapitre 7, ces gens disent qu'ils me respectent, mais en réalité il n'en est rien. Ils donnent aux gens des instructions qui ne sont que des commandements d'hommes. À 4 reprises dans ce petit récit, de cette altercation entre Jésus et les pharisiens. À quatre reprises, Jésus oppose deux manières de vivre sur la terre. Un, vivre en s'alignant sur la tradition des hommes. Deux, vivre en se soumettant au commandement de Dieu. Alors, vous voyez le lien direct avec le reste, c'est évident. Regardez, je vous les lis rapidement. 7:7, donc le verset 7. Les enseignements qu'il donne sont des règles inventées par les hommes. Verset 8, 2. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. 3, verset 9. Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. Et verset 13. Vous annulez, c'est fort ça, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Jésus n'est pas tendre avec ses hommes d'église. Et tout cela autour d'une question d'autorité. Et tout ça va de soi. Marc nous dit, Jésus est arrivé pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous vous rappelez, on avait lu ça au chapitre 1 qu'on a étudié, verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et c'est quoi l'évangile de Dieu? C'est très simple. Il disait, le temps est venu, le règne de Dieu est proche. Voilà, l'évangile de Dieu. Le règne, la gouvernance de Dieu est proche. Le grand propriétaire a envoyé son fils unique, celui qu'il aimait bien, et il l'a envoyé pour rendre des comptes, pour en lui rendre des comptes. Seule réponse possible devant une telle autorité, parfaitement légitime, soumission, adoration. Et Jésus ne peut pas supporter que des hommes, sous couvert de spiritualité ou d'équilibre, il ne faut pas être fanatique dans la vie, puissent contredire, affaiblir ou annuler le commandement de Dieu, afin de justifier leur action. Et tu vois Jésus devant ces pharisiens qui rugit de désapprobation. Verset 10, dans ce même chapitre. Moïse a dit, en fait il voulait dire Dieu a dit par Moïse, évidemment. Dieu a parlé par la bouche sans arrêter Moïse. Et verset 11, mais vous dites une opposition d'autorité. Qui a raison? Moïse ou Dieu ou vous? Dans un sens, qu'importe le sujet qui est discuté ici, les mains sales, pas sales, on s'en fout. C'est pas le problème. C'est pas le sujet qui est important. Ça pourrait être n'importe quel sujet. Le sujet, c'est si Dieu a ordonné quelque chose, qui ose atténuer, adoucir les paroles de Dieu pour les remplacer par des préceptes humains. Attention, les amis. Le Jésus que nous présente ici Marc, c'est Dieu parmi les hommes, un Dieu fort, qui a autorité et qui demande la soumission. Un Dieu qui réprimande sévèrement ceux qui essayent de diluer la force et l'impact de la parole de Dieu pour la rendre plus digeste, plus culturellement acceptable, plus politiquement correcte. Jésus leur dit, vous annulez la parole de Dieu par les traditions que vous avez établies. Si tu crois, c'était la première partie, si tu crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu, alors tu lui dois soumission et adoration. Tu n'as pas d'autre chemin. Que tes habitudes de vie, que tes traditions familiales ou religieuses ne viennent pas atténuer la force des paroles de Dieu. Et là, on a un vrai problème. Parce que croire que Jésus est un grand leader, un grand homme, un sage, un prophète, beaucoup de gens, chrétiens ou pas, sont prêts à le faire, ça, pas de problème. Mais soumettre nos vies à son autorité, alors ça, ce n'est pas une mince affaire. Si tu crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu, Dieu qui a marché parmi les hommes, alors je t'encourage que la Bible, parole de Dieu, reste ta première source d'autorité. Jésus, Fils de Dieu, a marché parmi les hommes, nous sommes bénis. Jésus, Fils de Dieu, a parlé aux hommes. Nous voulons être soumis. Troisième partie, problème de soumission. Pourquoi j'ai un problème? Pourquoi j'ai du mal à me soumettre à la parole de Dieu et que je trouve plein d'autres excuses? Pourquoi je n'arrive pas à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu à qui je dois soumission? Où est la solution? Alors encore une fois, mon passage, j'ai eu de la chance, mon passage est surprenant. Par cinq fois, dans mon passage, un mot est répété, je ne sais pas si dans vos lectures vous l'avez remarqué, et ce mot, c'est la clé de mon problème d'insoumission à Dieu. Je vous lis les cinq passages. 6, 52. Ils n'avaient pas compris le message, le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Les pharisiens ont un problème à accepter l'autorité de Dieu. On vient de le lire dans le chapitre 7. Regardez, chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et puis, Jésus explique quel est le problème, la difficulté dans ce cœur de l'homme. Et il dit quoi? Chapitre 7, versets 19 et 21. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Verset 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 8, les disciples n'ont toujours pas compris qui est Jésus, même après la deuxième multiplication des pains. Et Jésus les interpelle. Verset 17, 18. Jésus leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur ce qui vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et vous ne comprenez pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Pour pouvoir accepter le règne de Dieu sur ma vie, mon cœur doit changer. 6, 52. Marc explique l'incapacité des disciples à comprendre le miracle de Jésus en disant, ouais, ils ont un problème, ils sont malades, leur cœur est endurci. Et Jésus diagnostique la maladie des disciples de la même manière au verset 18 du chapitre 8. Avez-vous le cœur endurci? Ah ouais, c'est leur problème. Endurci, le mot endurci est intéressant, c'est poroo, il vient du mot poros, qui est un type de pierre. C'est un type de pierre, de caillou, poros. Poros, ça veut dire devenir dur, comme de la pierre, engourdi. Et quel est le remède? Quelle est la solution? Le médicament, c'est quoi? Et là, à nouveau, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Là, le médicament, les gens du temps de Marc, ils l'avaient déjà. Ça faisait en fait 600 ans qu'il l'avait déjà, 700 ans, 800 ans qu'il l'avait déjà. Tournez dans vos Bibles. Ézéchiel, chapitre 36, Ézéchiel, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ. Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Ézéchiel, d'accord? Chapitre 36, si je me rappelle bien. Vous connaissez ce passage, probablement, mais regardez les termes. Les Juifs avaient lu déjà ça. Lisez avec moi, verset 25, 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, poros, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Rien de nouveau sur le soleil. Est-ce que mon cœur s'est engourdi au point de ne plus voir Jésus, Fils de Dieu, comme le Maître, le Seigneur, à qui je dois soumettre ma vie, mes projets? Est-ce que mes habitudes de vie, mes traditions, la société dans laquelle j'évolue ont supplanté l'autorité de la parole de Dieu? Un seul remède, une seule solution. Je mettrai en vous mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Soumission, adoration, autorité. Le Saint-Esprit peut changer mon cœur endurci et l'attendrir aux choses de Dieu. Me donner le désir d'aligner ma vie sur les commandements de Dieu. Me donner le respect pour Dieu qui me pousse à l'adorer et à me soumettre à sa volonté. Alors voilà, en trois petites explications, Marc nous présente Jésus, Fils de Dieu, Seigneur. Marc nous rappelle l'autorité qui découle de cette situation sur nos habitudes, nos traditions de vie. Et Marc met le doigt sur le problème. Mon cœur dur. Et la solution est claire. Je vous donnerai un cœur nouveau. On va prier si vous voulez. Seigneur, comment j'étais heureux de découvrir ta parole cette semaine. Elle est vraiment magnifique. Elle est tellement cohérente. Elle se tient, tout se tient. L'Ancien et le Nouveau Testament, tous ces chapitres, tous ces paragraphes que Marc a écrits côte à côte, tout se tient. Et Seigneur, je te prie pour moi aujourd'hui, mais aussi pour nous tous présents ici, s'il te plaît. Permets que cette parole soit plus que juste des paroles, du blabla. Que cette parole touche nos cœurs et que tu mettes dans nos cœurs ce désir de nous soumettre à ta parole. Donne-nous ce désir d'appliquer tes lois et tes commandements. Donne-nous un amour profond pour toi et pour la Bible. Donne-nous cette semaine, Seigneur, d'être vigilant et de savoir faire la part des choses entre les traditions des hommes et tes commandements, et de savoir faire le choix, le bon choix, de savoir t'adorer chaque jour. Nous te prions au nom du bon nom de Jésus.